pas dû venir, on ne doit jamais s'arrêter à compter ses souvenirs quand on s'apprête à les quitter. À quoi bon venir chercher ce qui déjà n'existe plus? À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? Je pourrais la regarder pendant des jours, pendant des heures. Je pourrais la regarder pendant des jours, pendant des nuits, des jours, des nuits. C'est fou ce qu'on peut laisser dans un objet ou dans un livre. Notre vie est dans ces choses qui nous ont regardé vivre. Et les murs d'une maison, quand vous partez, sont des amis qui meurent. Cette heure, cet instant.